La société internationale exalte les exploits du camarade Kim Jong-il accomplis dans la direction de Sangun. Le journal coétien The Times, Léon page internet du Forum allemand anti-impérialiste et du Comité pour le territoire de Khabarovsk du Parti communiste de la Fédération de Russie ont écrit « Le dirigeant Kim Jong-il a inspecté le 25 août 1960 la division de chars de Gyeongsu numéro 105, lauréate du titre Guni Séoul de l'armée populaire de Corée, pour ainsi commencer la direction de la révolution de Sangun. C'est l'événement historique d'une grande importance. » Le secrétaire général du Conseil directeur national du Parti de la diversité de l'Indonésie, le président de la Société d'études de la confiance en soi du Sri Lanka, le secrétaire du Comité régional de Yangon du Parti pour le développement de solidarité de l'Union de Myanmar ont dit « Le plus important des exploits du dirigeant Kim Jong-il est d'avoir défini la politique de Sangun comme principal mode de gouvernement du socialisme. Sa cause révolutionnaire Sangun est toujours victorieuse grâce au respecté camarade Kim Jong-un. »